À l'occasion de la journée du soleil, jour anniversaire du président Kim Il-sung, le séminaire sur ses exploits ont eu lieu au Bangladesh, au Mexique et en Tanzanie. Dans les salles de réunion étaient exposées les photos sur les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Les orateurs ont exalté que le président Kim Il-sung est le fondateur du Parti du Travail de Corée et de la République Populaire Démocratique de Corée, qui crée sans cesse des miracles et succès à l'étonnement du monde et encourage vigoureusement la lutte des partis politiques progressistes et des peuples pour réaliser l'indépendance. Les séances de films coréens se sont déroulées en Roumanie, en Thaïlande, à Singapour, en Indonésie, en Éthiopie, au Nigeria, en Zambie et en Angola.